Hello everybody, c'est Will et ça y est, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle édition de votre émission à base de punk, de metal et de rock, playlist éclectique et album à l'honneur en fin d'émission, chroniqué et détaillé, tout ça pour votre plus grand plaisir. Bien sûr, c'est dans le punk metal rock. Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Will et ça y est, vous avez entendu, on a attaqué une nouvelle édition de ce Punk Metal Rock. Une nouvelle édition qui retrouvera ce soir à l'honneur le groupe que l'on vient d'entendre. D'ailleurs, comme à l'accoutumée, ce groupe-là, je vous les présente, peut-être que vous les connaissez, mais peut-être pas. Et en tout cas, si vous ne les connaissez pas, un conseil, restez jusqu'à la session d'album à l'honneur pour les découvrir encore plus. C'est Interdrive, ils sont québécois, ils nous ont sorti fraîchement leur troisième EP, au tendre nom d'ailleurs de EP3, et avec franchement du très très gros son. Ils viennent d'entamer l'émission avec la piste Smile for the Picture. On va continuer d'ailleurs sur une émission un petit peu oscillante ce soir, c'est-à-dire on va se faire une piste de groupe peu connu à découvrir, une piste de groupe connue, une piste plus ou moins connue, et on va se faire ça du coup jusqu'à la fin avec pas mal de nouveautés que j'aimerais vous faire découvrir dans les émissions à venir. En parlant de nouveautés, justement, on va partir avec une autre tout de suite. Le groupe s'appelle Gaz Money et on va les écouter tout de suite avec Side View Mirror, une piste à découvrir donc dans le punk metal rock. Et je vous invite, comme vous le savez, comme chaque semaine, à venir lâcher vos dédicaces et à aller faire un tour si vous le souhaitez sur la page Facebook Punk Metal Rock, donc la page de l'émission, ou sur le site www.punkmetalrock.com. Allez, en attendant, on monte le son. Gaz Money, c'est pour vous. Let's rock. Time and time again, staring Voilà, voilà, Side View Mirror du groupe Gas Money pour vous dans ce punk metal rock, tiré de leur album, hein, tout dernier, Ain't No One To Stop My Run. Et d'ailleurs, c'est des groupes un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, dans le style stoner qui ouvre cette émission. Hein. Cet album de Gas Money, vous le retrouverez également prochainement chroniqué dans le punk metal rock. Je ne vous le cache pas, alors restez à l'écoute, restez à l'affût. Allez, comme je vous le disais tout à l'heure, on va alterner un petit peu entre groupes plus ou moins connus et surtout groupes plus connus. Et cette fois-ci, on va partir sur un groupe un peu plus connu quand même, hein. C'est pas des débutants. Ils ont un style un petit peu particulier, mais ils avaient quand même un côté sympathique lors des lives, notamment pour ma part, là où je les ai découverts d'ailleurs, je ne m'en cache pas, hein, le live de Meshuga. Ce groupe-là qui faisait l'open, c'était Eye on Fire. Pourtant, c'est pas des débutants. Et du coup, je me suis procuré un de leurs albums pour découvrir ça un petit peu plus. Cet album-là, c'est Luminiferous. Et on les écoute tout de suite dans Smack Metal Rock avec la piste The Falconist. Oh, man. Eye on Fire dans ce punk metal rock avec The Falconist tiré de leur album Lumiferous, dernier album en date d'ailleurs sorti en 2015. Voilà, donc c'était pour la session un petit peu plus groupe quand même plus connu. Et là on va revenir justement avec deux pistes qu'on va s'enchaîner tout de suite qui nous viennent pour ma part du même album. C'est un album, c'est une compile, le compendium numéro 1 A Metal Quintessence, donc par le label Music Record, comme vous le savez, un label en partenariat avec le punk metal rock, et c'est plutôt pas mal parce que franchement, ils ont vraiment, vraiment des bons groupes, dont les deux qu'on va s'écouter tout de suite, le groupe Mezcla qui nous sort très prochainement un album, franchement très top, qu'on retrouvera donc dans le punk metal rock. Cette piste qu'on va s'écouter, c'est la piste Creaturas Indisible. Et ensuite, on enchaînera avec le groupe Blackout, un groupe que j'avais déjà passé il y a fort longtemps dans le punk metal rock, mais ça fait plaisir de réentendre ça un petit peu. Et la piste Bloody Tears. Alors en attendant, montez le son, si vous ne les connaissez pas, c'est le moment de les découvrir, de se faire plaisir. Et je vous le rappelle, vous pouvez toujours aller lâcher vos dédicaces, hein, www.punkmetalrock.com ou bien la page Facebook, hein, Punk Metal Rock. Mais allez, en attendant, Mezcla, c'est parti, let's work. Blackout et la piste Bloody Cheers, précédée de Creatures Indivisible, pardon, du groupe Mescla, pour vous dans ce punk metal rock, deux groupes qui ont en particularité d'avoir signé dans le label, chez le label plutôt Music Record, un label qui sait nous produire franchement des très bonnes musiques, et qu'on retrouvera tout ça bien entendu chroniqué dans le punk metal rock dans quelques temps. Alors franchement, restez à l'affût, surtout si ça vous a plu, et comme je vous le dis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me lâcher une petite dédicace, ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Allez, maintenant on s'est fait donc deux pistes de groupe quand même moins connues, on va partir sur un truc plus connu, on part chez, avec Grand Magus, les Suédois de Heavy qui nous ont sorti un dernier album en 2016, Sword Songs, et je pense que cette piste rentre bien quand même dans l'émission, elle est franchement assez sympathique, on l'écoute tout de suite, c'est Varungan pour vous dans le punk metal rock. We'll be right back. Grand Magus avec Varangian tiré de l'album Sword Songs sorti en 2016 pour ce groupe de heavy metal suédois. Franchement, du bon, ça fait plaisir. J'espère en tout cas que comme moi, vous appréciez tout ça et surtout l'émission de ce soir. Allez, en parlant de ça, on va continuer. C'est bientôt l'heure de la chronique déjà. Et oui, et pour ça, on va s'écouter une dernière petite piste. Je vous la retire également du compendium numéro 1, A Metal Quintessence, du label Music Record. Et ce groupe-là nous sort également un album, c'est Moskowa. Franchement, ça envoie du gros pâté. J'espère que vous allez aimer. Moi, j'ai complètement été conquis par le groupe jusque-là. J'ai hâte du coup de recevoir l'album pour pouvoir vous le chroniquer. Enfin, l'attente est quand même assez longue et le groupe, on se l'écoute tout de suite avec Russia's Eyes pour vous dans le punk metal rock, juste avant d'attaquer, bien entendu, l'album de la semaine. We'll be right back. albums mis en avant, chroniqués, détaillés et surtout à écouter. C'est à retrouver avec l'album à l'honneur dans le Punk Metal Rock. Et voilà, nous y sommes, l'album de la semaine, l'album chroniqué, l'album à l'honneur. Je vous en ai parlé tout à l'heure en début d'émission qu'ils ont ouverte, c'est Interdrive, un groupe québécois qui nous a sorti son troisième EP, EP3. Et franchement, ça fait plaisir d'être contacté par des groupes comme ça parce que là, ça envoie vraiment du bon son. On va s'écouter tout ça dans quelques instants, juste après la chronique avec les trois pistes d'ouverture. Hein. Ethereal, Break the Silence et enfin Another Day, les trois pistes qui vont ouvrir... Donc qui ouvrent cette EP et également qui vont ouvrir cette session d'écoute d'album à l'honneur. Alors un nouvel EP du groupe Interdrive, comme je vous le disais, c'est un groupe originaire du Québec qui a été fondé en 2007, donc il y a environ une dizaine d'années, et qui a été rejoint par un chanteur uniquement en 2011. C'est-à-dire qu'ils ont joué quand même pas mal de temps uniquement de manière instrumentale, et le chanteur qui les a rejoints en 2011 a un timbre quand même assez particulier, mais... fort agréable. Avant de revenir du coup sur l'album, on va faire un petit détour au niveau de la pochette. Et côté pochette, c'est plutôt simple, hein, avec le style du groupe, dira-t-on. Et voilà, une simple pompe à essence en noir et blanc, mais en même temps très simple. Mais ça en dit très long sur le style. Hein. Après, franchement, il y a peu à dire si c'est que ça envoie quand même du gros bois dès les premières secondes. Le chant est oscillant, d'ailleurs, globalement, entre le clean et son scream, qui est vraiment bienvenu dans le mélange rythmique du groupe. Là-dessus, ils ont réussi à trouver le juste milieu dans leur mélange. Franchement, c'est du beau boulot, c'est vraiment très bien fait et gros coup de bol aussi d'avoir pu dégoter un chanteur comme ça après des années à travailler rythmiquement parlant en version instru et nous sortir, je pense, déjà des bons trucs à l'époque, rejoint par le chant, c'est nickel, ça nous fait le Interdrive qu'on peut entendre actuellement et qui fait plaisir. Et à côté de ça, ils ont une énergie tout simplement débordante. Un son riche et harmonieux, c'est d'ailleurs c'est ce qui fait Interdrive, hein, tout simplement. Chaque instrument sait bien se montrer, et comme le dit si bien le groupe, d'ailleurs le timbre de leur chanteur Fabrice se mêle à merveille au style sur toutes les pistes de cette EP. D'ailleurs, ne délaissons pas le style d'ailleurs, hein. Rock metal assez particulier, un petit peu stoner quand même pas mal, mais sachant réussir sur chaque tableau, puisqu'ils approchent sans souci et avec le sentiment d'un plaisir total à chaque fois dans les styles, en donnant le maximum pour notre plus grand plaisir. Ils s'éclatent vraiment, ça se ressent, ça s'entend à faire ce qu'ils font, à varier un petit peu dans le style sur les pistes. Ils peuvent être aussi bien très énergiques que très calmes. Il y a même des passages personnellement que j'adore que vous allez pouvoir entendre d'une voix chantée seule en a cappella, rejoint après coup par les instruments. Et là-dessus, nickel, franchement du très très bon boulot, ça fait grandement plaisir. Côté mix, pour finir là-dessus, j'ai envie de dire, il n'y a rien à dire. C'est un troisième EP, il est bien mixé, il est bien travaillé. Ça fait plaisir d'ailleurs d'entendre un EP comme ça. Seule chose que j'aurais à dire à la limite en conclusion de tout ça, c'est vivement l'album. 5 pistes du coup pour un EP, c'est bien, c'est normal, mais au vu du gros son qu'ils savent nous produire, et ben moi j'ai envie de vous dire vivement un petit album d'une dizaine de pistes peut-être, je ne sais pas, mais franchement là-dessus ça fera grandement plaisir de pouvoir s'entendre ça. En attendant, on les retrouvera dans d'autres émissions du Punk Metal Rock, je ne vous le cache pas, Interdrive c'est quand même un petit coup de cœur là que j'ai pu avoir ces temps, ça fait grandement plaisir d'ailleurs de le partager avec vous. Et on va se les écouter d'ailleurs tout de suite hein, avec Ethereal, Break the Silence et Another Day, les trois pistes d'ouverture de cette EP. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à me lâcher vos dédicaces, à aller soutenir le groupe également. Je vous rappelle le nom Interdrive, donc n'hésitez pas à aller chercher ça, à aller les soutenir, les encourager, à me dire ce que vous en pensez également hein, dans les dédicaces ou alors sur le site du PMR www.punkmetalrock.com ou encore la page Facebook hein, que je vous invite à venir visiter, Punk Metal Rock. Allez, merci à tous, mais montez le son maintenant, c'est parti, Interdrive pour vous, let's rock! We'll be right back. I know that you can, I know that you will, I know you'll break the silence. Another Day, possédé de Break the Silence, et enfin Ethereal, les trois pistes d'ouverture de l'EP3 à l'honneur ce soir du groupe québécois Interdrive qui a également ouvert l'émission avec Smile for the Picture. J'espère que cet album vous a plu, que le groupe vous a conquis comme ils m'ont conquis. Ils étaient accompagnés d'ailleurs ce soir de Gas Money avec leur album Ain't No One to Stop My Run et la piste Side View Mirror. Un truc moins connu également, il y avait Mescla avec Creatures Indivisible, Blackout avec Bloody Tears et les très bons de Moskowa avec Russia's Eyes, tout ça tiré de la compile Compendium One, a metal quintessence du label Music Record, chez lesquels les trois ont signé. Tout ça agrémenté d'un petit peu plus connu hein, avec Iron Fire et The Volcanist ou encore Grand Magus et Varangian. Voilà, j'espère sincèrement que l'émission de ce soir vous a plu. On va se quitter avec la piste de conclusion de cette EP, c'est la piste Sven, piste numéro 5. J'espère que tout ça vous a grandement plu. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à contacter le groupe si vous le souhaitez, allez les soutenir, c'est Interdrive. Et n'hésitez pas d'ailleurs à lâcher vos dédicaces sur l'émission, à soutenir la page Facebook Punk Metal Rock. Allez faire un petit tour sur le site www.punkmetalrock.com, notamment si vous avez raté l'émission ou autre, pour retrouver les podcasts et tout ce qu'il faut savoir. C'était encore un très grand plaisir pour moi d'animer cette émission ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine d'ailleurs, même lieu, même heure. On s'y retrouvera pour une nouvelle petite édition. En attendant, d'ici là, portez-vous bien. See you soon, stay tuned and stay metal.